Radiomatique. Amorcer la transmission 4-5-3 d'Audiomatique, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du projet italien Del Rey, mené par Alessandro Mercanzin, de son nouvel album intitulé Desolation and Radiation, qui est paru le 27 juin 2023. Nous entendions la pièce Into the Wasteland. Et c'est le groupe montréalais Sounds qui entame cette prochaine séquence musicale. We'll be right back. Sate. Wakum tonko to gashila. Hayompe tukile. Wopula. Hichichie. Wichozani. Wolakota. Wohunchila wohie chichila. Kaneja oyapiki awai chaka o tunkashi unchi malio mitakuye oyasi wamani konkuiso ohas mani tu ohas tabe tanta Nous venons d'écouter le trompettiste américain Christian Scott et sa pièce Completely, sur laquelle on peut entendre la flûtiste Elena Pinder-Hughes. La pièce apparaît sur l'album intitulé Diaspora, paru en 2017. Avant Christian Scott, c'était le projet collectif Medicine Singers qui nous offrait sa composition Shapeshifter de son unique album homonyme sorti en 2022. La musique de Medicine Singers utilise des rythmes et percussions autochtones comme trame de fond à une expérimentation musicale qui allie la musique électronique, le rock, le punk et le jazz. Et pour amorcer la séquence du mini-album Fiction réalisé par la formation Soons en 2020, nous écoutions la pièce Breathe, composée en collaboration avec le projet Jerusalem In My Heart. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec le groupe anglais The Chameleons. The air is threatening, his head is a maze, and every little thing, it seems out of place. I dreamt about you last night. Bye. Il s'agissait à Audiomatic du duo canadien ProTech, formé de Bill Leeb et de Chris Peterson, du seul album de ProTech intitulé Orbiting Cathedrals et lancé en 1997. Nous vous avons présenté la pièce Ferromni. Précédemment à ProTech et ce qui amorçait par le fait même cette séquence musicale, c'était le groupe anglais The Chameleons de son quatrième album Why Call It Anything, sorti en 2001. Nous avons entendu la chanson Truth Isn't Truth Anymore. C'est maintenant avec le groupe Insurgent que se poursuit cette transmission d'Audiomatic. Audiomatic, nous terminions cette séquence sur une collaboration entre trois projets, à savoir Architect, Sonic Area et Hologram. Cette collaboration prend la forme d'un album intitulé We Are the Alchemist, duquel nous avons entendu la pièce Primordial Soup. Avant cela, nous avons écouté la formation Theremin Quattro et la pièce Barry Extended 21, qui est en fait une version retravaillée de la pièce Quién es Barry, apparaissant à l'origine sur le deuxième album de Theremin Quattro intitulé Mi Vida en Infrarrojo, paru en 2001 et qui a été réédité récemment en album double avec l'ajout de pièces inédites et de versions alternatives. Et pour amorcer la séquence musicale, nous entendions le groupe montréalais Insurgent, dirigé à l'époque par l'artiste Claude Charnier, également connu pour sa participation au projet Headscan. Du second album d'Insurgent, intitulé Super Collider et publié en 1997, nous écoutions la pièce Citadel. Il est à noter qu'après cet album et avec le départ de Claude Charnier, le groupe a changé d'orientation musicale vers des sons plus rock et metal et a modifié son nom pour Insurgent Inc. En conclusion de cette transmission 4-5-3 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique de la formation montréalaise Arcade Fire. De son premier album Funeral, paru en 2004, nous écouterons la chanson In the Backseat. La transmission 454 d'Audiomatic prendra forme mercredi prochain dès 17h alors que les sonoristes se retrouveront en studio pour matérialiser leurs choix musicaux sur les ondes de la radio CFOU 89.1 FM avant de dématérialiser leur travail de diffusion pour l'intégrer aux univers numériques et ainsi le rendre accessible au plus grand nombre à travers leurs archives, dont une des portes d'entrée principales se clique directement sur le profil facebook.com/audiomatic-cfou. Voici donc Arcade Fire et la chanson In the Backseat. C'était Audiomatic avec les sonoristes.